Voyage au Brésil, 1858-1859, par François-Auguste Billard, deuxième partie. Chapitre 21e. Quelques affaires me forcèrent de séjourner un mois encore à Rio de Janeiro, mais rien ne pouvait plus m'y distraire. Il me tardait d'être en mesure de partir, soit pour l'Europe, soit pour quelque grande excursion sur l'Amazone. Enfin, je devins libre. Un domestique m'était indispensable. On m'offrit un Suisse qui avait déjà fait un grand voyage dans l'intérieur. Mais le hasard me servit autrement. Un Français avec qui j'avais fait connaissance eut, de son côté, le désir, avant de revenir en Europe, d'aller visiter le Para. Je n'avais donc plus rien à souhaiter. J'avais un compagnon et pas de domestique. C'était tout profit. Nous fîmes de grands projets. Par exemple, des razzias de tigres. Nous étions tous deux bons chasseurs. Une fois la place retenue à bord du bateau à vapeur le Paraná, j'allai prendre congé de leur majesté et le 23 juin nous partîmes. Les nombreuses embarcations qui attendaient le vapeur furent forcées de faire une foule de manœuvres dont je ne comprenais pas le sens. Quand ces embarcations étaient sur le point d'atteindre le but désiré, le navire virait de bord et en quelques tours de roue se trouvait hors de portée. Ce jeu dura plus d'une heure. Enfin je dis adieu à la ville de Rio. Mon compagnon et moi avions pu choisir les deux premières places. Lorsque nous voulûmes nous installer dans notre cabine, deux individus y étaient déjà. Cette première chambre devait contenir quatre personnes. C'était la seule qui eut ce privilège. Nous n'avions pas eu la main heureuse. Nos voisins étaient un commandador brésilien et un mulâtre son compagnon. Il y avait à bord une chanteuse française allant à Bahia. Elle parlait beaucoup et surtout des sympathies qui viennent subitement sans qu'on s'en doute. Cela s'adressait tantôt à un commis voyageur, pour les gants car il en changeait plusieurs fois par jour, tantôt à un jeune docteur indigène. Excepté le commandador, la société n'était pas brillante. La table était assez bonne, le temps calme, mais nous roulions beaucoup. Trois jours après, nous étions à Bahia. Je n'avais pour descendre qu'un motif, celui de serrer la main à un ami. Or, cet ami venait de repartir pour la France, et comme la ville ne me plaisait pas plus que la première fois, je m'hâtai de faire quelques emplettes et revins à bord longtemps avant le moment désigné pour le départ. Nous avions laissé bien des passagers à Bahia, entre autres un vieil amateur de violon. Ce digne homme nous avait régalé, sans être prié, de tout son répertoire, joué un peu faux, mais c'était la faute de son instrument. Il avait pourtant un faux air de Paganini. Notre navire s'était aussi allégé d'un gros, gras et court hollandais, mari d'une cantatrice. Il venait de traverser les cordillères. En l'entendant raconter ses exploits parmi les sauvages, je me sentais bien petit. Il avait d'autant plus de mérite à mes yeux qu'il les avait accomplis avec un vêtement beurre frais, des lunettes vertes et un chapeau de bergère. À 9 heures du matin, nous entrions à Pernambouc. Un navire français parti bien longtemps avant nous n'y était arrivé que la veille. Sur ce navire se trouvaient des personnes de la connaissance de mon compagnon. Nous déjeunâmes à bord et allâmes visiter la ville, où je n'étais pas entré à mon premier passage. Elle me plut bien mieux que Bahia, n'étant point bâtie sur une colline. Les courses étaient moins fatigantes. Quand je revins à bord, on embarquait du combustible entassé sur un grand bateau plat. Des nègres se repassaient des corbeilles remplies de charbon. Le fond du bateau était plein d'eau, et les pauvres esclaves pataugeaient dans une boue noire qui heureusement ne les tachait pas. Le maître du bateau, un gros drôle à favoris noirs, les activait, les injuriait, les battait quand la fatigue les arrêtait un instant. J'éprouvais un vif chagrin. Mon compagnon est venu m'annoncer que, pour certaines raisons, il allait rentrer en France plus tôt qu'il ne l'avait pensé, profitant de la circonstance qui lui faisait rencontrer un navire sur lequel il avait tout intérêt de rester. Il espérait, ajouta-t-il, que nos rapports à l'avenir continueraient à être les mêmes. Je ne vis pas d'utilité à lui rappeler que si je n'avais compté sur lui, j'aurais emmené le domestique qui m'avait été proposé. Un nuage noir s'étendit sur la ville, et bientôt après creva en pluie torrentielle. Nous partîmes malgré cela. La mer était houleuse. Dans le lit occupé la veille par mon compagnon absent s'était placé un individu qui avait le mal de mer, ce qui me fait revenir sur le pont en toute hâte, en dépit du mauvais temps. Fort heureusement pour moi, ce voisin incommode descendait le lendemain à la Paraíba du Nord. Depuis mon départ, je n'avais rien vu de si pittoresque. Nous étions entrés dans le fleuve que nous remontions, ayant des deux côtés de riches plantations. Il y avait sur la rive droite, comme toujours, une chose appelée citadelle et un homme attaché à un porte-voix. Après avoir dépassé ces deux objets usités à l'entrée des villes grandes et petites du littoral brésilien, je vis le plus charmant petit village, baigné par les eaux du fleuve et abrité par d'immenses cocotiers. Puis venaient les mangliers aux mille racines, aux bras qui se reproduisent et se replantent quand leur poil est courbe vers la terre. Naturellement, les crabes y font leur domicile. Notre approche en faisait fuir des milliers. Je descendis à terre avec mon compagnon de cabine, le Brésilien, qu'on nommait le commandador. Il ne savait pas un mot de français. Je n'étais pas très fort sur le portugais. Cependant, nous nous entendions à merveille. L'embarcation était simplement un tronc d'arbre creusé. Nous allâmes chercher notre déjeuner dans l'auberge unique de la ville, où déjà se trouvaient d'autres voyageurs, entre autres deux Français dont l'un, jeune ingénieur, habitait Ceará. J'allai avec le commandador visiter la ville. On nous montra une immense croix en pierre montée sur un très gros piédestal. Un petit homme, tout contrefait, porteur d'une tête, qui put servir un géant, sacristain sans aucun doute, et qui faisait à ce titre la profession de Cicérone, nous assura que cette croix était, ainsi que l'église, l'ouvrage des jésuites. Cette église, décorée d'une façon bizarre avec de très gros et massifs ornements dorés, avait un certain caractère sombre qui faisait penser involontairement au temps de l'Inquisition. J'avais vu autrefois des ornements pareils dans certaines églises d'Espagne. Pendant que nous parcourions les diverses chapelles dont notre Cicérone nous expliquait les merveilles, un moine vêtu de bleu passa près de nous. Ce moine était le seul des servants de l'église. Notre guide nous apprit en outre qu'il était très riche, mais qu'en revanche il ne donnait rien aux pauvres. Plusieurs tableaux m'avaient intéressé. Un d'eux représentait un croissant autour duquel on avait enroulé une corde, et sur cette corde et ce croissant était une dame bien vêtue. Je demandai vite l'explication de ce singulier ébut. Le croissant, me dit-on, représentait la lune. La dame était la Sainte Vierge qui, sur le point d'être piquée par le serpent, que bien involontairement j'avais pris pour une corde, l'avait enroulée autour de la lune et, pour l'humilier davantage, marchait dessus. Le pauvre artiste avait été irréligieux sans le vouloir. Le 2 juillet, à 1 heure après-midi, nous passions devant le Cap Saint-Roch, le point le plus avancé des côtes du Brésil sur l'Atlantique. À partir de Pernambouc, nous avions toujours navigué entre la terre et le récif qui se prolonge très loin, du sud au nord, parallèlement à la terre. Depuis quelques jours, j'avais vu avec peine le pays prendre un aspect presque aride. Des monticules d'un sable très blanc se détachaient sur le bleu du ciel. Mes belles montagnes disparaissaient dans le lointain. Le matin, nous avions passé devant Rio Grande do Norte. Depuis 2 jours, nous côtoyions un pays ayant une grande analogie avec le désert de Sahara. Une plage basse et des sables mouvants. Le lieu m'a paru fort peu important et pas du tout intéressant. Comme je ne me souciais pas de mettre les pieds dans l'eau sur les Incomo Jagranda, je me donnais les mêmes raisons que le renard de la fable, ils sont trop verts. 3 juillet. Je m'étais couché cette nuit sur le pont. À mon réveil, le soleil était levé et très brillant. Je revoyais ces étranges nuages noirs et opaques. J'essayais d'en dessiner quelques-uns. Mais ainsi que les aurores boréales qui, en Laponie, ne faisaient souvent que paraître et disparaître, quand, avec une branche de résine allumée que je plantais dans la terre, je veillais les nuits à les attendre au passage, de même, ces nuages traversaient l'horizon avec une vitesse extraordinaire. Nous eûmes ce jour-là de petites émotions. On pêcha une bonite. Une tourterelle venant de terre mit tout le monde en mouvement. On donna le fouet à un mousse. Le capitaine avait ri 2 fois dans la matinée. Ce brave militaire bourgeois était bien un peu bête, un peu glorieux, un peu fier de son grade et de ses fonctions, dont la partie la plus importante se bornait à bien dîner. Vers midi, on jetait l'ancre devant Ceará, nommée également Fortaleza. La ville, entourée de cocotiers, me parut d'un assez joli aspect. Pour y entrer, il faut traverser une plage de sable. On ne fit qu'y remettre et prendre les dépêches. Je voyais de loin des animaux qui m'intriguaient beaucoup. Ils me paraissaient plus grands que des chevaux et ressemblaient à des chameaux. Je ne me trompais pas. C'étaient des chameaux transportés d'Afrique, sans doute par une société d'acclimatation indigène. Le pays me paraît être excellent pour ces animaux, auxquels le sable est familier. Les jangadas, en grand nombre, sont les seules embarcations de Ceara. Je me levai le lendemain avec un grand mal de tête, ayant, malgré ma précaution de fermer ma porte, été forcé d'entendre une partie de la nuit annoncer sur le ton le plus lamentable les numéros d'une partie de loto commencée après dîner et finie à 2 heures du matin. Je passai la matinée, étendu sur des cordages, à regarder les matelots nègres et des soldats accommodant leur linge, c'est-à-dire leurs pantalons, car peu d'entre eux avaient des chemises. Depuis que nous avions doublé le cap Saint-Roch, le soleil nous gênait de plus en plus. Chaque tour de roue nous approchant de la ligne nous plaçait directement en face du soleil le matin, en même temps qu'il nous mettait perpendiculairement dessous à midi. Il se coucha magnifiquement. Je restai une partie de la nuit sur le pont, mais j'en fus chassé par un grand nigaud d'officier qui, après avoir chanté tristement les airs les plus vifs de nos opéras italiens, les recommença en sifflant.